Nous sommes en compagnie de Damien Poyard pour ce dimanche musette. Et cette matinée, nous allons la passer en sa compagnie pendant une heure. Voilà, vous avez tout compris. Après le passo que l'on vient d'écouter, eh bien, place à une petite valse. Tu es mon petit bouquet de jeunesse, tu es ma petite fleur, ma tendresse. Près de toi, j'oublie tous mes tourments, je t'adore et j'en fais le serment. Notre vie, c'est comme une romance, près de toi, j'ai un plaisir intense. Les années s'écoulent dans le bonheur, il y a de la joie, de l'amour dans nos cœurs. Un bleuet au reflet de tes yeux, une rose ou baiser amoureux, du muguet pour te porter bonheur, un lys blanc, la pureté de ton cœur, un joli coquelicot sur tes lèvres pour te dire simplement que je t'aime, des pensées chaque nuit dans mes rêves pour t'écrire le plus beau des poèmes. Le dimanche sur l'accordéon, la gaieté règne dans notre maison. Nous valsons tous les deux tendrement, c'est si bon de s'aimer follement. Dehors les oiseaux dansent dans le ciel, toutes les fleurs s'épanouissent au soleil. La nature par les beaux jours d'été n'est plus que poésie et beauté. Un bleuet au reflet de tes yeux, une rose, un baiser amoureux, du muguet pour te porter bonheur, un lys blanc, la pureté de ton cœur, un joli coquelicot sur tes lèvres pour te dire simplement que je t'aime, des pensées chaque nuit dans mes rêves pour t'écrire le plus beau des poèmes. Un joli coquelicot sur tes lèvres pour te dire simplement que je t'aime, des pensées chaque nuit dans mes rêves pour t'écrire le plus beau des poèmes. On va laisser les poètes, comme il vient de dire à l'instant Damien Poyard, pour repartir dans une deuxième petite valse que l'on va écouter avec un immense plaisir. Seulement que se croiser une seconde après, un amour était né. Tard le soir je l'ai raccompagné, j'oublierai jamais où elle demeurait. Au 31 rue des Amours, une belle histoire a vu le jour. Elle a comblé notre jeunesse, mais sans tenir toutes ses promesses. Pour trois fois rien, on s'est quitté. Très bons amis, on est restés. Mais lui, mon cœur, il bat toujours pour le 31 rue des Amours. Je reviens souvent dans le quartier, mais tout seul et je n'ai jamais rien oublié. Si elle a aussi quelques regrets, J'ai une chance qui sait de la retrouver. Au 31 rue des Amours, une belle histoire a vu le jour. Elle a comblé notre jeunesse, mais sans tenir toutes ses promesses. Pour trois fois rien, on s'est quitté. Très bons amis, on est restés. Mais lui, mon cœur, il bat toujours pour le 31 rue des Amours. Rien, on s'est quitté. Très bons amis, on est restés. Mais lui, mon cœur, il bat toujours pour le 31 rue des Amours. Quand il chante l'amour, Damien Poyard, c'est toujours avec une certaine émotion, voire une émotion certaine. D'ailleurs, je vous laisse découvrir. Je vous laisse découvrir. Chaque heure, chaque jour, les hommes semblent plus sourds à tous les mots de l'amour. On envoie des vœux au ciel, une fleur nouvelle vient éclore de nulle part comme un espoir. Une rose dans le désert comme un défi au monde. Une rose dans le désert, loin du tonnerre qui gronde. Comme un été en hiver, que pousse une rose en plein désert. Où est ce jardin aux mille et un parfums que l'on appelait la terre? Si les cieux ne sont pas sourds, amour, qu'ils éclairent notre nuit noire d'une fleur d'espoir. Une rose dans le désert comme un heureux présage. Une rose dans le désert plus vrai que les mirages. Que pousse une rose en plein désert. Que pousse une rose en plein désert. Une rose dans le désert, comme un défi au monde. Une rose dans le désert, que la paix nous inonde. Moi je n'ai qu'une prière, que pousse une rose en plein désert.

bouge comme la tour de Pise, elle penche un peu trop. Mais elle a fait de Venise un diamant qui brille posé sur de l'eau. La ville tourne la tête, la fête est complète, aussitôt qu'on lui sourit. Elle en profite elle aussi pour boire du Chianti comme en Italie. La vie c'est comme une valse, ça ne tient pas en place, ça tourne toujours. C'est comme un jeu qu'elle programme, tu perds ou tu gagnes, ça dépend des jours. À part les soirs de relâche, elle rit aux terrasses, elle pleure que tu cours. La vie nous piège à son charme, c'est beau comme une femme, c'est chaud comme l'amour. La vie, quel drôle de manège, c'est froid comme la neige, mais c'est chaud comme l'amour. Quand nos cœurs ont le beau rôle, on glisse en gondole en restant chez soi. On prend Bruxelles pour Vérone et Saint-Pierre de Rome pour Cinecittà. On chante même Rigoletto à Saint-Gimignano, la musique est de retour. La vie ça dépend des jours, c'est froid comme la neige, c'est chaud comme l'amour. La vie c'est comme une valse, ça ne tient pas en place, ça tourne toujours. C'est comme un jeu qu'elle programme, tu perds ou tu gagnes, ça dépend des jours. À part les soirs de relâche, elle rit aux terrasses, elle pleure au côté court. La vie nous piège à son charme, c'est beau comme une femme, c'est chaud comme l'amour. La vie, quel drôle de manège, c'est froid comme la neige, mais c'est chaud comme l'amour. La vie nous piège à son charme, c'est beau comme une femme, c'est chaud comme l'amour. La vie, quel drôle de manège, c'est froid comme la neige, mais c'est chaud comme l'amour. Bel aventurier, au visage basané, aime la mer, les bateaux, les pays tropicaux. Un jour il m'a avoué que son cœur a flanché pour les yeux d'une brune rencontrée dans les dunes. Une jolie Tahitienne, aux longs cheveux d'ébène, le rend fou amoureux et toujours joyeux. Il la voit dans ses rêves, marche seule sur la grève. Il voudrait tellement l'enlacer tendrement. Cette fille, il l'a connue sur une île perdue. Il la trouve si belle, mais elle semble rebelle. À chaque instant du jour, il implore son amour. Elle fait vibrer son cœur. Pour moi, ce n'est qu'un leurre. Une jolie taille. sienne. Oh, l'on se veut des belles, le grand fou amoureux est toujours joyeux. Il la voit dans ses rêves, marche seule sur la grève. Il voudrait tellement l'enlacer tendrement. Les soirs au clair de lune, ils songent à la fortune d'un yacht sur l'océan, pour elle plein de diamants. Et sur les eaux profondes, faire le tour du monde. Il voudrait lui crier que tout peut arriver. Une jolie Tahitienne, aux cheveux des belles, le rend fou amoureux et toujours joyeux. Il la voit dans ses rêves, marche seule sur la grève. Il voudrait tellement l'enlacer tendrement. Allez, on continue, même si vous commencez peut-être à vous fatiguer un tout petit peu. Allez, c'est dimanche, hein, après tout. Mais ah oui, c'est vrai, je ne pensais plus. C'est dimanche, mais cette émission est quand même rediffusée le mardi. Peu importe, c'est deux jours après dimanche, donc c'est pas grave. Allez, on y retourne. Thank you.

ce sourire est déjà le lien avec les beaux jours qui viennent, reviennent. C'est l'espérance folle qui danse et vole au-dessus des toits, des maisons et des places, la terre est basse, je vole avec toi. Tout est gagné d'avance, je recommence, je grimpe pieds nus au sommet des montagnes, ma de cocagne des cieux inconnus. Viens, c'est la fête en semaine, viens, je t'attends, tu ne sais plus rien. Plus rien ne nous sépare, viens, viens, si les larmes t'ont fait du bien, ce sourire est déjà le lien. Avec les beaux jours qui viennent, reviennent. Allez, ça fait un peu plus d'une demi-heure que l'on est ensemble. Et c'est vrai que vous avez peut-être les gambettes qui fatiguent un tout petit peu. Eh bien, avec un petit tango, ça va bien se passer. Vous allez voir. C'est l'amour qui nous mène depuis le premier cri. C'est l'amour qui nous traîne aux genoux de la vie. Quelle que soit notre étoile et le peintre et la toile, c'est le seul scénario, la lumière du tableau, la seule guerre qu'il nous faut. C'est l'amour qui nous mène, mais l'aventure humaine, elle commence avec toi, elle dépend de tes lois, je la joue sur ta scène. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Dis-moi où tu m'emmènes. En enfance, en enfer, c'est l'amour qui nous mène, c'est l'amour qui nous perd. C'est l'amour qui nous mène jusqu'au tout dernier cri. Et le fou et la reine sont égaux dans un lit. Que tu sois vagabonde, argentée, brune ou blonde, libérée par tes chaînes, c'est l'amour qui me mène au soleil de tes nuits. C'est l'amour qui nous mène, mais l'aventure humaine, elle commence avec toi, elle dépend de tes lois, je la joue sur ta scène. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Dis-moi où tu m'emmènes. En enfance, en enfer, c'est l'amour qui nous mène, c'est l'amour qui nous perd. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Thank you.

de détour. Vivre sans frontières, on chantera l'amour. Quel que soit ton pays, un chant nous réunit. Mélodie, Mélodia, elle chante déjà dans ta voix, ma Mélodia. Mélodie, Mélodia, elle sera toujours toi et moi, la Mélodia. Mélodie, Mélodia, elle chante déjà dans ta voix, ma Mélodia. Mélodie, Mélodia, elle sera toujours toi et moi, la Sorgue FM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5.

En ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, eh bien, j'ai cette attache, en fait, de ces vieilles chansons qui parlent et qui veulent dire quelque chose. Donc aujourd'hui, on va écouter Albert Préjean, Fernandel, Georges Milton, Jean Lumière, Jean Tranchant, et puis Léo Marjane, Lina Marji, et puis bien d'autres, tout au long de cette émission. On commence tout de suite avec Albert Préjean, Amusez-vous. Et puis ce sera suivi encore par toujours Albert avec Mon premier amour. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie entre nous est si brève. Amusez-vous, comme des fous. La vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici pas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Et zou, amusez-vous, foutez-vous tout. La vie entre nous est si brève. Amusez-vous comme des fous. La vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire des soucis. On n'est pas ici bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Et zou! Pour que la vie soit toujours belle, oh que j'aimerais un quotidien qui n'annoncerait que de bonnes nouvelles et vous dirait que tout va bien. Pour ne montrer que les avantages, au lieu d'apprendre les décès, on apprendrait les héritages. C'est la même chose et c'est plus gai. Pour remplacer les journaux tristes, que ça serait consolateur de lancer un journal optimiste qui dirait à tous ses lecteurs. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie entre nous est si brève. Amusez-vous, comme des fous. La vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Et zou! Amour, chérie, c'est toi. Mon unique amour, chérie, c'est toi. Pourvu que tu m'aimes autant que je t'aime, c'est tout le bonheur que désire mon cœur. Mon premier amour, chérie, c'est toi. Je voudrais toujours t'avoir à moi. Que ce joli rêve jamais ne s'achève. Mon premier amour, chérie, c'est toi. Avant de te connaître, j'allais plein de tourments.

C'est bas, ça, hein? C'est... Et ça, c'est haut, hein? C'est mieux, au milieu, faites-moi ça au milieu, parce que alors, ça, c'est pas possible. Ça, pas de rigoler, parce que... Hein, assez. Je vois que vous comprenez tout de suite la bonne chanson. Alors vas-y, vas-y, refais-moi ça. Alors. Vas-y. C'est terrible, ça. Mélodie, c'est pas pareil. Tes yeux sont comme deux étoiles qui prendraient le jour pour la nuit. Au ciel si bleu de notre amour sans voile, si je puis m'exprimer ainsi. Telle une pêche provençale, ta bouche a la saveur d'un fruit. Mon amour, il n'y a que ton nez qui la fout mal. Si je puis m'exprimer ainsi. Ta voix comme une harpe chante, et j'aime son doux vibrato. Ta voix troublante et caressante, aux adagios amoroso. Je pourrais l'écouter des heures, cette voix si douce à mon cœur. Dommage que tu dises toujours des conneries. Si je puis m'exprimer ainsi. J'ai lu Ronsard, vit en Rimbaud, Verlaine, Musset, San Antonio, Astérix et Chéri Bibi. Pourtant, écoute bien ceci. Jamais autant que dans tes yeux, j'ai lu combien j'étais heureux. Ta main diaphane et opaline en messagère de mon cœur joue souvent pour moi de la mandoline pendant que s'envolent les heures. Comme jouait jadis Euterpe, tu joues pour chasser mon ennui. Dommage que la mandoline se m'emmerde. Si je puis m'exprimer ainsi. Tu es mon soleil de minuit, car tu te montres tour à tour comme la clarté de mes nuits, comme le soleil de tous mes jours. Tu règnes avec toute ta grâce sur chaque moment de ma vie. Dommage que des fois, franchement, tu me les casses. Si je puis m'exprimer ainsi. Mais malgré tout, je t'aime, tu vois. Et ceux à qui ça ne plaît pas et qu'ils voudraient que je te perde, je leur dis simplement merci. Savez-vous ce qu'on dit de Zizi? On dit qu'il en est. Ce jeune homme poli et si gentil, on dit qu'il en est. Il est pourtant de bonne famille, avec de bonnes fréquentations. Toujours des garçons, jamais de filles. Alors pourquoi que les gens font ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ce garçon si drôle en travesti, on dit qu'il en est. Ce fervent de la bicyclette, on dit qu'il en est. Toujours si soigné de sa personne, faut le voir se recoudre un bouton. Un fil de travers, ça le chiffonne. N'empêche que derrière les gens font. Ça. Lui qui a des gestes aussi charmants, on dit qu'il en est. Lui qui vit pourtant chez sa maman, on dit qu'il en est. Il joue de la guitare en virtuose, c'est peut-être bien pour ça qu'il en est. Du groupe des célèbres Soquettes Roses, les gars qui ont lancé le fameux tsa tsa tsa tsa la tête, prout prout, tsa tsa tsa tsa tsa la tête, prout prout, tsa tsa tsa tsa tsa tsa, prout prout, tsa tsa tsa tsa la tête, prout prout, sont vachement terribles les Soquettes Roses, et lui il en est. Quand je vois leur pochette, ça me fait quelque chose. On voit qu'il en est. George Milton. Papa vient d'épouser la bonne. Alors là, ça date de 1935. Ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. J'en suis persuadé. Et toujours George Milton, tout de suite après, avec « Tout le monde la suit », la fanfare du pays. Quand je suis arrivé sur terre, papa, maman divorcèrent, mais depuis papa s'est remarié plusieurs fois. Si je n'ai eu qu'une mère, qu'est-ce que j'ai eu comme belle-mère? Ça fait avec la dernière, la douzième que je vois. Papa se marie sans nous demander notre avis. Nous le savons seulement après quand c'est fini. Papa vient d'épouser la bonne. Oh, quelle idée il a eue là, mon petit papa. C'est une jolie petite bretonne. Mais quelle idée il a eue là, mon petit papa. Toute la famille, tante Clara, tante Lison, l'oncle Camille, ne veulent plus venir à la maison, car ça, personne ne lui pardonne. Oh, quelle idée il a eue là, mon petit papa. Maintenant, comme on n'a plus de bonne, je vais ouvrir lorsque l'on sonne. L'autre jour, j'ai donc ouvert à un soldat. Il me dit, comme je suis de sortie, je suis venu voir Marie. Vu qu'elle est ma bonne amie et qu'on se mariera, je suis obligé de lui avouer l'événement en lui disant avec les plus grands ménagements. Papa vient d'épouser la bonne. Oh, quelle idée il a eue là, mon petit papa. Je comprends très bien que ça vous étonne. Oh, quelle idée il a eue là, mon petit papa. Pas d'importance que le soldat m'a répondu. Je vais voir Hortense. C'est la bonne à l'étage au-dessus. Ça, c'est pas ça qui manque les bonnes. Oh, quelle idée il a eue là, mon petit papa. Nous avons su que Marie avait des économies. C'est peut-être pour ça que papa l'épousa. Elle avait une série de billets pour la loterie. Qu'en sortant de la mairie, à papa elle donna. Puis environ trois semaines après cette union, papa s'écrie, oh, nous avons gagné le million. Papa vient d'épouser la bonne. Oh, quelle idée il a eue là, mon petit papa. Avouez vraiment qu'elle est bien bonne. Oh, quelle idée il a eue là, mon petit papa. Toute la famille, tante Clara, tante Lison, l'oncle Camille, sont revenus à la maison. Maintenant, tout le monde lui pardonne. Oh, quelle idée il a eue là, mon petit papa. Quelle idée il a eu là, mon petit papa. Maintenant, tout le monde lui pardonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Thank you. Nous avons chez nous une belle fanfare, comme il est rare d'en voir beaucoup. Les musiciens ont un nouvel uniforme, d'une jolie forme, du meilleur goût. Quand ils s'en vont en jouant, un air entraînant, les femmes, les enfants, les suivent en chantant. Tous les cuivres bien brillants sont étincelants. Et derrière les gars qui sont un peu là, tout le monde leur emboîte pas. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, la fanfare de mon pays. Tout le monde la suit, tout le monde la suit, tout le monde la suit. De la gare à la mairie. Tout le monde la suit, tout le monde la suit, tout le monde la suit. Puis l'on s'en va au bout du village, pour revenir on fait un beau virage. La fanfare de mon pays, tout le monde la suit, tout le monde la suit, tout le monde la suit. Derrière eux marchent les femmes mariées et les fiancées suivent aussi. Si les femmes des musiciens sont des épouses assez jalouses, c'est que voici. Vous connaissez la chanson de cet Orphéon, dont le chef polisson suivit avec passion. Avec tous ses musiciens, une lame très bien, on les retrouva dans un triste état, mais cela ne leur arrivera pas, car leurs petites femmes sont là, la fanfare de mon pays. Tout le monde la suit, tout le monde la suit, tout le monde la suit. De la gare à la mairie, tout le monde la suit, tout le monde la suit, tout le monde la suit. La nuit entière on choque des verres, jusqu'à ce que l'on voit deux yeux sévères. V'là ma femme, que chacun dit, allô, vite au lit, tout le monde la suit, tout le monde la suit. De mon pays, tout le monde la suit, tout le monde la suit, tout le monde la suit. C'est le moment de la chanson du bonheur, la chanson du bonheur qui nous sera interprétée par Jean Lumière, ainsi que la Paimpolaise qui va suivre. La chanson du bonheur, mon cœur la chante, et je sais que ton cœur la chante aussi. Souviens-toi, mon amour, de ce jour merveilleux de septembre, pour que naisse un roman, simplement quelques mots ont suffi. La chanson du bonheur, lointaine et tendre, c'est l'écho dans nos cœurs qui nous redit que la vie a vraiment commencé par ce jour de septembre, où le vent tendrement fredonnait la chanson du bonheur. La la la la, mon cœur la chante. La la la la la la, ton cœur aussi. D'espoir, beaucoup d'amour ont suffi. La chanson du bonheur, lointaine et tendre, c'est l'écho dans nos cœurs qui nous redit que la vie a vraiment commencé par ce jour de septembre, où le vent tendre tendrement fredonnait la chanson du bonheur. Sorgue FM, c'est votre radio sur le 91 et le 102.5. Quittant ses jeunes et sa lande, quand le breton se fait marin, en allant aux pêches d'Islande, voici quel est le doux refrain que le pauvre gars fredonne tout bas. J'aime Paimpol et sa falaise, son église et son grand pardon. J'aime surtout la Paimpolaise qui m'attend au pays breton. Guidé par la petite étoile, le vieux patron de nerfs très fins dit souvent que sa blanche voile semble l'aile d'un séraphin. Et le pauvre gars fredonne tout bas. Mais souvent l'océan qui dompte se réveille lâche et cruel. Et lorsque le soir on se compte, bien des noms manquent à l'appel. Et le pauvre gars fredonne tout bas. Pour aider la marine anglaise, comme il faut plus d'un moussaillon, j'en prends deux à ma Paimpolaise en rentrant au pays breton. Puis quand la vague le désigne, l'appelant de sa grosse voix, le brave Islandais se résigne en faisant un signe de croix. Et le pauvre gars, quand vient le trépas, dans l'océan sans fond, en songeant à la Paimpolaise qui l'attend au pays breton. Cela date de 1941. Les jardins nous attendent, toujours avec Jean Tranchant, et puis La Chapelle au clair de lune. Ah, celle-là, elle est aussi fameuse et elle est aussi très belle. Voici venir l'été, les parfums de la terre sont pleins de volupté. La chambre est trop petite pour notre grand amour. Allons-nous-en bien vite, il paraît qu'allons-nous. Chérie, les jardins nous attendent, car ils ont besoin d'amoureux. Que feraient les pauvres rosiers ils n'entendaient plus nos baisers. Les fleurs sans qu'on leur demande ont des parterres merveilleux. Et dans mes bras tu es heureux. Les oiseaux sont jaloux, mais ils chantent pour nous.

la brise fait de son archet chanter la valse des regrets. Ma belle enfant du bois dormant, quittez vos rêves troublants, vous éveillant pour un instant, venez à moi qui vous attend. Le fils du roi n'est qu'un manant, ce n'est que moi, pauvre passant, chantant les mots d'une prière vaine. L'ombre s'alanguit, des formes glissent sans bruit, et du passé, couple lassé, les souvenirs s'en vont danser. Les doigts frileux du sol bleu, dressés au ciel comme un appel pour sa recrue. Rythme tout femme ma peine. Oh, loin du château, loin de l'austère repos, venez, venez, vous qui dormez, voici pour vous l'instant d'aimer. Ce château-là, c'est mon cœur-là, c'est vous mon serre, passant dans l'air, ce n'est que l'heure de tendre souvenance. Le ciel noir, c'est le soleil, un jour la merveille, c'est le réveil d'une ancienne romance. L'orgue de la nuit, au clair de lune, j'ai mis toujours dans mon cœur lourd. N'attend plus que votre amour. Sorgue FM, c'est votre radio sur le 91 et le 102.5. De retour, prenons patience. Attends-moi, mon amour, dans ce beau coin de France, qui fut témoin de tant de jours pleins d'insouciance. Et comme aux heures du passé, notre existence, pourquoi je pense recommencer. Attends-moi, mon amour, chaque jour qui commence, peut-être celui du retour, garde confiance. Si parfois le soir ton cœur tremble, repense à tous nos souvenirs. Après tant de bonheur ensemble, notre amour ne peut pas finir. Attends-moi, mon amour, avec un peu de chance. Je sais moi mon amour. Dans ce beau coin de France, qui fut témoin de tant de jours, plein d'insouciance. Et comme aux heures du passé, notre existence, pourra, je pense, recommencer. Attends-moi, mon amour, chaque jour qui commence, qui sait, peut-être enfin le Lina Margie termine avec Le Petit Hôtel. Et moi, je vous dis merci de votre fidélité. À très bientôt sur le 91 et sur le 102.5 de Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Je vous aime et je vous embrasse. Bye bye! La vie du petit hôtel ressemble à une gamme qui monte et qui descend sans jamais s'arrêter. Demande à la petite dame si elle reste pour coucher. Les bagages du 29 et le déjeuner du 12. Mais la vie serait monotone s'il n'y avait de temps en temps, par une belle journée de printemps ou d'automne, un roman. Au premier, il y a la Parisienne qui vit seule avec son parfum. Elle en met du soir au matin. On dirait une fleur qui se promène. À l'aurore, à peine éveillée, on la voit courir dans les bois et revenir parfois les cheveux tout couverts de rosée, pour lui tenir compagnie. Chante leur refrain dans les arbres, pour lui tenir compagnie lorsqu'elle a le cœur gros. Elle prend un petit bordeaux sur le marbre pour cacher sa détresse à tous les indiscrets. Dans un rêve, on dirait qu'elle sourit sans cesse à l'amour qui l'obsède en secret. Mais elle a peur des jours de fête, des jours avec accordéon. Sitôt qu'elle entend des chansons, alors elle fait une drôle de tête. Pour nous, ce sont des mélodies. Pour elle, ce sont des souvenirs. Quelque chose comme des tragédies qui l'ont fait trop souffrir. Du passé, elle évoque une image, un visage. Tout à coup, elle se trouble, il y a des pleurs dans ses yeux. Et la pauvre chanson s'arrête au beau milieu. La vie du petit hôtel ressemble à une gamme qui monte et qui descend, sans jamais s'arrêter. Elle est partie, la dame, est partie sans parler. mais la vie serait monotone s'il n'y avait de temps en temps, par une belle journée de printemps ou d'automne, un roman. Voilà, voilà, voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, comme de toute manière, on a encore un tout petit peu de temps avant d'arriver aux 2 heures de cette émission. On a encore une petite minute, donc on peut bien se raconter une petite histoire. Mais les petites histoires, elles font pas partie de mon répertoire, donc je m'en tiendrai tout simplement à un cadeau supplémentaire dans cette émission. On va pas terminer comme ça, on va pas terminer comme ça. On va faire encore un tout petit pas avec Lina Margi, avec cette belle chanson « Mon grand ». Et cette fois-ci, c'est bien terminé. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis... À très bientôt sur le 91-102.5 Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Bye bye. Ah, pardon. La rediffusion de cette émission, mardi prochain, 10h-12h. La première fois que je l'ai rencontré, dans mon cœur ému, l'amour est entré. Depuis ce beau jour, qu'à lui seul j'appartiens, je fredonne un bien doux refrain. Mon grand, c'est pour moi le seul vrai bonheur, mon grand. C'est lui qui veille sur mon cœur quand le moindre chagrin me tourmente et m'agite. Dans ses bras caressants, je me blottis bien vite. Mon grand me sourit de ses yeux câlins. Mon grand, avec plus de passion, m'étreint. L'amant qui me chérit, l'ami qui me comprend, ma raison de vivre, c'est mon grand. Hélas, le destin tout de nous sépara. Il est loin, bien loin, mais il reviendra. Et pour adoucir la tristesse des jours, je chante attendant son retour. Mon grand, c'est pour moi le seul vrai bonheur. Mon grand, c'est lui qui veille sur mon cœur quand le moindre chagrin me tourmente et m'agite. À son portrait tout bas, je me confie bien vite. Mon grand me sourit de ses yeux câlins. Mon grand semble me dire que ne crains rien. L'amant qui me chérit, l'ami qui me comprend, ma raison de vivre, c'est mon grand. Ne crains rien, l'amant qui me chérit. l'ami qui me comprend, ma raison de vivre.